identité. Depuis tambour frappé, Yodi ça s'est coupé. Originalité, ça fait toujours campé. Même si la modernisé, rythme n'a pas pu changer. Attention.